J'arrive tout seul mais accompagné, mon stylo et mon cahier. En guise d'équipe, c'est suffisant pour venir tout tailler. J'arrive en forme mais tout en paillant, j'ai chaud tout en me caillant. J'arrive camouflé mais tout en braillant. J'arrive les couilles vides mais tout excité. Je saute de joie, j'arrive heureux mais tout dépité. J'arrive intact mais j'arrive en sang, arculons en avançant. J'arrive sur béquille mais tout en dansant. J'arrive en Benz, les pneus sont en train de crier. J'arrive à 130, je suis venu en speed mais je suis venu à piller. J'arrive en pompe mais j'arrive en boîte, manchot avec les mains moites. J'arrive en ami avec un couteau dans la main droite. J'arrive en stress, mec, mais posé. Vers toi dans le sens opposé, fatigue et bien reposé. J'arrive avec un style absurde qui déboîte. Mais mec, peu importe comment j'arrive, faut que t'augmentes les watts. J'arrive en chien, mais mec, j'arrive enfin. J'arrive à fond la caisse, j'arrive sans frein. J'arrive en paix avec une épée, un pistolet. J'arrive entier, mais tout rafistolé. Il pleut à verse. J'arrive trempé mais j'arrive tout sec. Mais mec, j'ai pris ma douche mais ça sent le fennec. J'arrive en scred, caché mais toujours épié. J'arrive en courant, j'arrive pieds joints, j'arrive à cloche-pied. J'arrive en faisant la gueule, mais je suis trop content. J'ai quelques heures à perdre mais j'ai pas le temps. J'arrive pas à dormir, j'ai fait la sieste mais j'arrête pas de bailler. Je suis trop balèze au foot mais je suis trop nul sur le terrain de failler. J'arrive sans rien oublier, en perdant mes clés. J'ai pas les flics à mes trousses mais j'arrive encerclé. J'arrive en faisant du non-sens, j'arrive pas à écrire. Attends, j'arrive, c'est trop marrant, ouais, mais ça me fait pas rire. J'arrive un peu bon matin à l'heure du souper. J'arrive à midi 3, pas la garde en train que j'ai loupé. J'arrive en applaudissant, les mains dans les poches. J'arrive en bas, j'arrive à droite, même si j'arrive à gauche. J'arrive à gauche, j'arrive à gauche, j'arrive à gauche, j'arrive à gauche. J'arrive de bon matin à l'heure du souper. J'arrive à midi 30 à la gare dans le train que j'ai loupé. J'arrive à patte mais j'arrive en stop. Je reste chez moi mais j'arrive. J'arrive estropié d'une jambe à quatre pattes. J'arrive de Somalie mais j'arrive tout fat. J'arrive lentement, j'arrive tranquille mais j'arrive tout fast. J'arrive en pleurs mais j'arrive content. Pressé je prends tout mon temps. Je m'installe pour de bon mais je reste pas longtemps. J'arrive à l'aise, à poil sur mon 31. T'habites au 53, j'arrive au 51. J'arrive à fond, la forme, j'arrive essoufflé. Non non j'ai pas d'enfant mais j'arrive avec mes mouflés. J'arrive à la dérive mais à bon port. J'arrive bien éduqué mais j'arrive comme un gros porc. J'arrive avec un style absurde qui démonte. C'est triste mais j'arrive en descente alors qu'il faut que je suis en avance, tranquillement vénère mais toujours en retard. Décalé, linéaire, la tête rasée, les cheveux en pétard. J'ai baptisé mais je m'en bats les couilles, j'ai vomi partout. J'arrive, j'ai bien le style qui fait chier mais qui déboîte tout. Je suis dans la merde, le compte à sec, pourtant j'ai un bon salaire. Je fais pas du rap avec mon pote, non ça n'en a pas l'air. J'arrive en bloc, toujours vierge, donc j'arrive en costard et en short. Mais à poil pour aérer ma verge. J'arrive alors que je suis déjà là. Ou alors j'arrive quand je suis pas là. Je mélange les petits et les grands pelas. Sobre mais complètement défouraillé. J'ai envie de boire mais j'ai pas soif. Car j'ai pas faim mais j'ai envie de crailler. J'arrive en applaudissant, les mains dans les poches. J'arrive en bas, j'arrive à droite. Même si j'arrive à gauche, ça fait 10 fois que je dis que j'arrive. Alors que je me suis pas répété. J'arrive, je me la raconte mais j'arrive sans me la péter. J'arrive